قائم بنفسه أو بغيره. طيب soit c'est une sifa qui concerne lui ou soit c'est fi ghayrih, c'est ça que ça veut dire. مفهوم هذا un petit peu comme dans les sifat là, d'accord, les sifat il y a ما يقول به الله سبحانه وتعالى قائم به الصفه هذه يعني هذه الصفه اتصف بها d'accord ou soit قد تتعدى هذه الصفه الى الغير. Et là, il te parle que l'être humain aussi, elle est, l'être humain aussi, il est comme ça. C'est une sifa qui est en lui ou alors qui peut être en dehors de lui. Fahimtum hada? Je fais juste le début de cette qaïda parce qu'après, c'est un petit peu compliqué. Il faudra beaucoup de concentration. Et le cours, il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de concentration. Et c'est souvent au début qu'on a de la concentration. Après, au bout d'une demi-heure, halas, les gens ne sont plus concentrés. طيب دي القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب je sais pas comment il va le traduire ça. تفضل. L'essence indiquée par les noms d'Allah. دلالة الأسماء. L'essence indiquée par les noms d'Allah. تفضل. L'essence, c'est ça. C'est la règle quoi. C'est pas l'essence, hein. C'est l'essence. Ouais. طيب. Alors attends. Répète cette phrase là. Concernant son être, l'être, son soit par correspondance. Taïb. Mutabaka, c'est correspondance. Retenez avec moi. Mutabaka, correspondance. Taïb, ensuite. Soit par inclusion. Tadammun. Taïb, inclusion. Tadammun. Par implication. Iltizam. Ou soit par implication. Cela implique. طيب الله يعين ايوه exemple le nom d'Allah le créateur al khaliq désigne l'être qui est créé et l'attribue acte de créer ensemble par correspondance. Il indique donc ça c'est bil mutabaqa, vous avez compris, ça c'est bil mutabaqa. Al khaliq dans ça, qu'est-ce qu'on voit dans le khaliq, le créateur al khaliq, on voit une sifa. On voit une dhat, une sifa. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mutabaqa. Dilalat al-mutabaqa. D'accord ? Alors, avant ça, je vais faire une petite muqaddima. Al-mutabaqa, al-iltizam et al-tadammun, c'est pareil. Malheureusement, tellement les malades mentaux, là, hein, les falasifa, tellement ils ont philosophé sur... Hein, les noms d'Allah, etc., on a été obligé de leur rappeler ou de rentrer dans la science de ce qu'on appelle la science de mantiq, la rhétorique, d'accord ? On a été obligé de leur rappeler que une chose, quand elle est qualifiée, ou plutôt un nom quand il est qualifié, forcément il y a dedans trois choses. Une mutabaqa, un tadammun et un iltizam. Vous avez compris ? Mais c'est ça qu'il explique justement, c'est pour ça que tu vois. Vous avez compris ? Ça c'est pareil, c'est de la philosophie les frères, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est rentrer, ils sont rentrés dans la philosophie. C'est la rhétorique, d'accord ? Quand il y a un nom d'Allah, quand il y a un nom quelconque, pas un nom d'Allah, un nom quelconque, il y a forcément une mutabaqa, forcément un tadammun et forcément un iltizam. Et vous allez le comprendre. Je vais vous donner des exemples, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Vous voulez que je donne un exemple tout de suite? Taï. L'exemple qu'on va donner tout de suite. L'exemple, c'est la voiture. Taïb, la voiture. As-sayyara. La voiture, quand tu dis automatiquement, dans ton cerveau, quand on dit une voiture, à quoi tu penses? Tu penses à une machine avec des roues, ça, là, là. Taïb. Alors, si tu penses à son châssis, à ce qu'il y a à l'intérieur, à ce qu'il y a à l'extérieur, les portes, etc., etc., etc., tout ça, c'est le mutabaqa. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Toute la voiture, là, il y a des roues dans une voiture, ça, là, là. Il y a des roues, il y a un pare-brise, il y a ceci, ça dépend de la voiture. À la kulli hal, tout de suite, quand on dit une voiture, tout de suite, il y a une image. C'est vrai ou c'est faux? Tout de suite, l'image de la voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle là, hein, mutabaqa. C'est la sifa, et c'est la dhat sifa. Vous avez compris tout ce qui va avec? Et vous avez déjà vu une voiture, donc forcément, tu t'imagines tout de suite une voiture. Tandis qu'Allah, tu ne peux pas, parce que tu ne l'as jamais vu. Vous avez compris, Inch'Allah? Et ça, on va le dire pourquoi. Taïb. At-tadhammun, dans la siyara, par exemple, c'est une partie de la voiture. Exemple, la batterie. Hein? Le radiateur. Les roues. Vous avez compris ou pas? Taïb. Et ensuite, al-iltizam. L'iltizam, si tu vois une voiture, l'iltizam c'est quoi? Tiens, comment ils l'ont traduit l'iltizam? Répète-moi. Qu'est-ce que ça implique? S'il y a une voiture devant toi, qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément une chose sûre et certaine. Hein, ça c'est sûr et certain. Ça implique une chose, c'est que cette voiture-là, il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est vrai ou c'est faux? Cette mosquée, elle s'est faite toute seule? Elle ne s'est pas faite toute seule. Donc ça implique forcément qu'elle a un ingénieur derrière, etc. Est-ce que vous avez compris? Taïb, on vous donne un autre exemple. La maison, Ad-Dar. Ad-Dar, Al-Mutabaqa. Allez, directement, Al-Mutabaqa. C'est quoi une maison? Tu sais directement. Hein? C'est 4 murs, voilà. Ou peut-être 10 murs, hein? Ça dépend de la maison. Al-Muhim, tu sais quoi une maison? Il y a un toit, sinon ce n'est pas une maison. Hein? Taïb. Il y a un toit, ça, là, c'est une maison. Oui. Ensuite, At-Tadhammun. At-Tadhammun, on a dit, comment il a traduit? Une partie. Une inclusion. Taïb, qu'est-ce que ça inclut une maison? Une chambre, des toilettes, hein? Douche, escalier. Ça dépend, hein, escalier. Taïb, ça dépend les maisons, ça veut dire que c'est une grande maison. Fahim tu m'irwan? Taïb, Iltizam. Iltizam, c'est quoi? Ben oui, forcément. Elle ne s'est pas faite toute seule. Bon, on revient maintenant sur quoi? Allez maintenant, on revient sur quoi? Sur la règle. Relis-la maintenant. L'essence indiquée par le nom d'Allah concerne son être, sa tête et ses attributs, ses faits, sont soit par correspondance ou par hasard. Correspondance mutabaqa. Cela correspond à ça. Une maison correspond à telle chose. Une seyyara correspond à telle chose. Khaliq correspond à quoi? Un créateur correspond à un être. Et quoi d'autre? Hein? Et la sifa qui va avec. Qui est le fait qui crée. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est au minimum, ça. Ça, taïb. Hein? Soit par inclusion, soit par inclusion, iltizam. Donc, al-mutabaqa, en vérité, c'est jami' ajza ma'nahu afradi. Ça veut dire que cela correspond à tout ce qu'il a, en partie, globalement et en détail. Vous avez compris? Jami' ajza ma'nahu afradi. Tout ce que, hein, telle chose correspond à telle chose. Parce que quand tu dis une voiture, et bil mutabaqa, forcément, tu es en train de parler de la. Il y a la batterie, il y a tout ce qui va avec dedans. Sinon, si tu enlèves les phares, c'est une voiture sans phare. Si tu enlèves la batterie, c'est une voiture sans batterie. Vous avez compris, ça, Inch'Allah? C'est plus une voiture complète. Vous avez compris? C'est important de savoir ça. Mutabaq. Taïb. Ensuite, at-tadhammun, c'est dilalatul lafzi ala juz'i ma'na. C'est le sens du mot, mais on va chercher dans le sens du mot une partie de telle chose. Vous avez compris? La batterie. pour la voiture. Le pot d'échappement. Hein, on va faire des mécaniques maintenant. Hein, vous avez compris ? طيب. Et l'iltizam, dilalatul lafzi ala lazim kharij. Regardez. Tout à l'heure, je vous ai parlé quoi ? Dakhil kharij. Et là, c'est là, ça commence à se rapprocher vers les règles. Et tu verras qu'à la fin, quand les règles vont faire un tout sur toi, tu khalas, wallah, même un n'importe quel mubtadi, il va parler avec toi. Si tu comprends bien ces règles-là, tu les as atteint, plus personne ne peut parler avec toi, même le plus grand philosophe. C'est ajib ce qu'il a fait, Cheikh Al-Uthaymin. Il t'a donné des règles que, après la personne, elle ne bouge plus. Elle est thabita, subhanallah al-azim. Regardez, il te dit, dilalat al-lafz ala lazimin kharij, ce qu'inclut une chose, mais extérieure. Une chose extérieure. La voiture, elle est, quand je dis une voiture, forcément, il y a quelqu'un qui l'a faite, cette voiture-là. Même une roue, hein, ça, là. Même n'importe quoi. À la kulli hal, on sait qu'une invention, elle a été faite par un inventeur, ça, là. C'est vrai ou c'est faux? Une mosquée ou une maison, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est kharij. Vous avez compris? Maintenant, on revient sur, hein, sur Ism al-Khaliq. Ism al-Khaliq dit, bil mutabaqa, dit, dhat wa sifa. Sifat al-Khaliq. Ça, ou là? Taïb, ensuite, il dit, wa yadullu ala dhat wahtaha. Le fait qu'il y a un être, dans ce terme-là, al-Khaliq, il y a un être. Ça, c'est vrai si on dit ça? Il y a quand même le fait qu'il y a un être, صح? Ou alors il est aussi le khalq, صح? Le fait que Allah crée aussi, wahda, d'accord? Là tu l'as, tu as séparé les deux, comme prenez l'exemple de la voiture, comme si je vous séparais la batterie et quoi, et les sièges ou le pot d'échappement, vous avez compris? طيب, hein? Donc juz ma'na wa yadullu ala sifatay, c'est là qu'il faut bien que tu te concentres. ويدل على صفتي العلم والقدرة. Voilà. العلم وكو والقدرة. Dans le خالق, obligatoirement il y a quoi? Il y a العلم وكو والقدرة. Il y a la science et la capacité, le pouvoir. Vous avez compris ça, inshallah? Ça c'est kharij ou pas? Est-ce que dans خالق tu vois obligatoirement ce terme-là? Non. Tu vois ces deux termes-là, c'est-à-dire l'ilm et le qudra. Est-ce que tu les vois directement dans le khaliq? Non. C'est en réfléchissant un petit peu que tu sais que le khaliq, il est obligé d'être alim, il est obligé d'être khabir, et il est obligé d'être aussi qadir. Vous avez compris ça, inshallah? Sinon, on ne peut pas l'appeler. Un créateur qui n'a pas créé, on ne peut pas l'appeler créateur. Ça, vous avez compris ça, inshallah? Fahim tu m'ada? Et c'est pour ça ensuite qu'il dit, ولهذا ذكر الله خلق السماوات والأرض يدي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. Vous avez compris? Donc ça c'est بدلالة الالتزام. D'accord? فهمتم هذا? طيب. Ensuite il dit ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. لي ensuite il dit le التلازم là, ou plutôt l'التزام, عفوا. Si tu l'as pas lu ça, lis-le. Donc ça c'est vous le mutabaqa, d'accord? L'ensemble par correspondance. Ensuite, il indique l'être d'Allah seul par inclusion. Il indique également l'attribut création seul par inclusion. Seul par inclusion, d'accord? Que cela inclut ça et que cela inclut ça. Tov. Il indique les attributs que sont la science et le pouvoir par implication nécessaire. Par implication nécessaire. Ça veut dire que c'est kharij, d'accord? Hein? Et le fait que le mubtadi'a, les gens de des innovations, le fait qu'ils n'ont pas fait la différence entre ce qu'il y a à l'intérieur de leur dhihn et ce qu'il y a à l'extérieur, et les dilalat, c'est-à-dire de tadammun ou l'iltizam, ou le fait qu'ils ont tout mélangé, ces trois choses-là, là, le tadammun, l'iltizam et quoi, le mutabaqa, tout a été mélangé pour eux. Vous avez compris? C'est pour ça que Cheikh, il vous les met comme ça. C'est des règles pour que la personne ne se trompe pas, hein, lorsqu'il attribue un nom ou un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui? Voilà, l'iltizam, c'est intéressant. Pour qui? Pour l'étudiant. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il réfléchit au sens et qu'Allah lui permet de comprendre la signification implicite, l'étudiant obtient avec un seul argument plusieurs données. Sache que ce qui est signifié par l'implicite. Khalas, khalas. Chouf. Regardez. Dilalat l'iltizam, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ça prouve, pour l'étudiant en tout cas, ça prouve qu'il comprend bien les choses. Il comprend que telle chose implique telle chose. Que telle chose implique telle chose. Exemple. Exemple, vous avez un exemple avec le sa'im, celui qui jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran, il dit « Wakulu washrabu » حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتيم الصيام إلى الليل. Vous connaissez ce verset? Le verset qui dit mangez, buvez jusqu'à ce que le fil blanc et le fil noir se distinguent. En vérité, c'est l'aube, d'accord? Que l'un et l'autre se distinguent, ça veut dire que jusqu'à l'aube, n'am. Et ensuite, il dit min al-fajr, c'est-à-dire jusqu'à l'aube, n'am. ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل. Et ensuite, faites suivre le jeûne, ou poursuivez le jeûne, jusqu'à la nuit. طيب. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset-là, c'est un dalil pour dire que tu as le droit, par l'azim, par dilalat l'iltizam, que tu as le droit de te réveiller en janaba. Ou que tu as le droit de te réveiller aussi, shab'an. Tu as le droit de te réveiller comment? Shab'an, hein, rassasié. Vous avez compris? Parce que celui qui mange, hein, admettons qu'il mange toute la nuit, hein, ou alors il mange, ça c'est pas possible, mais celui qui mange, on va dire, une demi-heure avant le fajr, il s'est rassasié ou pas? Ta'alala, taïb, il s'est rassasié. Il te dit, celui-là, comment tu le sais ça? Comment tu sais que le jeûneur a le droit d'être rassasié après le fajr? Comment tu le sais ça? Tu le sais avec ce verset-là. Ça, puisqu'il a le droit de manger. Et quoi? Et de boire jusqu'au fajr. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Comment tu le sais avec Tilalat? Ça inclut cela. Hein? Ça, comment il a dit le tizam? J'oublie encore. Ouais, c'est ça. Cela inclut cette chose. Ça implique cela. Vous avez compris ça? Et ça implique le fait que tu as le droit de te réveiller en janaba puisque tu as le droit de faire le jima avant le fajr. Tu as le droit de consommer avec ta femme avant le fajr. C'est vrai ou c'est faux? Taïb. Et bien celui-là, lorsqu'il se réveille en janaba, il n'y a pas d'ishkel, il n'y a pas de mal. Vous avez compris, Inch'Allah? Mais ça, comment tu l'as su? Tu l'as su avec dilalat l'iltizam. Vous avez compris? Donc en vérité, dilalat l'iltizam, c'est une méditation. Tu médites et tu sais. À travers telle chose, il y a forcément telle chose. À travers telle chose, il y a forcément telle chose. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Pourquoi il vous parle de ça, Cheikh? Elle est là, la question. Ça va arriver. Là. Pourquoi il vous parle de cette chose? Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Ça, c'est une muqaddima, c'est une préface, c'est une introduction pour le prochain chapitre. Je ne vais pas vous le faire tout de suite parce que sinon, ça, vous n'allez pas tenir. Hein? L'iltizam, c'est quoi? Tu vois, de dire telle chose incombe telle chose. Telle chose implique telle chose. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Mais est-ce que les raisonnements sont toujours bons? Hein? Celui que je viens vous dire pour le fajr, ou pour hein, le fait d'être rassasié après le fajr, ou le fait de se lever hein, en janaba après le fajr, celui-là, il est bon ou pas? Parce qu'il y a aussi des preuves qui le prouve, ça ou là. Mais est-ce que sur les noms et les attributs, est-ce qu'on a le droit de faire tout le temps ce iltizam? Ça implique telle chose, ça implique telle chose. Est-ce qu'on a le droit tout le temps? Avec des preuves, voilà, au moins c'est. Soit avec des preuves, soit si ça ne rapporte pas ou ça n'apporte pas quelque chose qui est faux. Vous avez compris? Parce que le falasifa, ils sont rentrés avec ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Falasifa, ils sont rentrés avec leur raisonnement. Ils ont raisonné. Regardez. Et ça, je vous fais encore une petite muqaddima, je vous rapproche un petit peu. Comme ça, je vous prépare pour le prochain cours, Inch'Allah. Ils ont dit, donner un nom à Allah implique forcément une description, comme on a dit là, une sifa, une date, etc. D'accord? Mais ils ont dit, que cela implique forcément, par talazum, dilal talazum, une ressemblance aux créatures. Vous avez compris, Inch'Allah? Ils disent que vous avez fait ressembler Allah à des choses existantes. Al-Mawjoudat. Vous avez compris, Inch'Allah? C'est comme ça. Donc, notre raisonnement, à nous les Mubtadi'a, étant donné que notre raisonnement en est arrivé là, forcément, Allah nous a demandé de ne pas le faire ressembler à qui? À des créatures. Ou à Naam, de faire ressembler Allah à des créatures. Donc nous, on se sauve de ça et on rejette quoi? Ce nom-là ou cette sifa. Vous avez compris? Taïb. Ça, c'est un raisonnement qui est correct ou pas? Non. Mais c'est quand même, ça rentre quand même dans le dilal al-talazum. Ça rentre quand même dans quoi? Dans leur lazim. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mais nous, on va voir que même cette règle-là de dilal al-talazum, elle est restreinte. Elle est limitée. Elle est limitée par des règles et par des. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas tous les lazim qui sont acceptables. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas tous les lazim qui sont acceptables. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tout ce que. Et c'est souvent cela, c'est souvent à partir de ce iltizam que les gens font du mal à d'autres personnes. Exemple. Et là, je termine le cours. J'ai un livre d'un mubtadi'a, là. Un gros mubtadi'a. Un gros mubtadi'a. Il est là, le livre. Tu vois, tu le vois, tu te dis, oh, il a un livre d'un mubtadi'a. Ça veut dire que c'est un mubtadi'a. Ce raisonnement, il peut avoir lieu, c'est vrai. Mais il peut y avoir d'autres raisonnements. Que je suis un talibin, que je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'il dit, pour faire un rad. Ça, là, là. C'est vrai, c'est faux. Et après, et ça, c'est quoi qui va nous pousser à être comme ça, nous? C'est le husn al-dhan entre les muslimines, etc., etc. Et ça, mes frères, vous l'avez dans la vie de tous les jours. L'autre, il a un Twitter avec telle personne. Ah, ça incombe que ça. Ça implique que ça. C'est son raisonnement. Il est possible, ça. Son raisonnement, il est possible. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il est impossible. Mais lui, il veut que ça soit ce raisonnement et pas un autre. Comme les Mubtadi'a. Vous avez compris? Comme les Mubtadi'a. Ces Mubtadi'a, ils ont dit, ces noms-là, ça implique quoi? Ça implique que tu es en train de faire ressembler. C'est vrai ou c'est faux? Nous, on leur dit non. Ça, là, là. L'existence, c'est une chose chez la créature, et l'existence chez le créateur, c'en est une autre. Votre raisonnement aurait pu être possible dans certaines conditions, mais il faut les remplir. Vous avez compris? Mais il ne faut pas dire qu'à chaque fois que tu as un raisonnement sur quelque chose, c'est forcément ce raisonnement-là et pas un autre. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? On est rentré dans ilm al-kalam. Mais ce ilm-là, dans ilm al-asma aussi fait, si tu n'as pas un petit peu d'ilm al-kalam, forcément, tu vas te tromper quand tu vas discuter avec eux. Hein, si tu discutes avec eux, mais al-asl, c'est que tu ne discutes pas avec eux. La règle, c'est de ne pas discuter avec eux. Mais je préfère vous dire l'histoire du l'iltizam, dilala tel-iltizam, ça incombe ça, et ça incombe ça. Ça, on a des espèces de fascistes qui viennent, qui nous disent quoi? Qui nous disent, ouais, mais si tu dis ça, ça veut dire ça. Et si tu dis ça, ça veut dire ça. Forcément, non. Ça ne veut pas forcément dire ça. Attends-moi que je m'explique. Ça, là, là. Attends des explications, c'est vrai, c'est faux. Pourquoi j'ai dit ça et pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi là, j'ai un livre d'un mubtadi' et pourquoi je n'en ai pas un? Vous avez compris? Et ça, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se trompent sur ça. Ils ont même badda', ils ont même rendu innovateurs des gens de cette manière-là. Cheikh, on l'a vu avec un tel. Cheikh, on l'a vu avec telle chose. Peut-être il nasah, peut-être il lui fait nasiha. Sah ou là là? Peut-être il lui. Pourquoi pas le husn dhan? Pourquoi pas de husn dhan? Pourquoi directement hein, cette manière intransigeante et directe de faire les choses comme on le veut? Et ça, vous allez voir, Cheikh Al-Uthaymin lui-même, il va en parler. C'est pas quelque chose que je vous ramène moi. Hein. C'est Cheikh Al-Uthaymin qui va en parler dans le prochain dars, inshallah.